Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Une aventure que l'on capte sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselon, microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie d'une musicienne, autrice, artiste sonore et activiste sensible au sort de sa communauté abitibienne, j'ai nommé Marie-Hélène Massy-Aimon. Je vous résumerai son parcours par les mots « dialogue » et « engagement ». Marie-Hélène Massy-Aimon est une artiste dont les modes d'expression et les pratiques sont en dialogue avec le territoire et les gens qui y vivent. Ses projets de création se veulent un exercice de liberté, de revendication et d'engagement qu'elle partage avec les citoyennes et les citoyens. Tout ça dans le but de soustraire l'exploitation du territoire aux griffes, dit-elle, des compagnies minières. Derrière ce parcours lumineux surgit une conteuse violoncelliste qui crée et performe pour les oiseaux, pour les pins gris et les gens qui chantent avec elle des chansons qui aident à vivre, simplement. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Hélène il y a quelques semaines. Elle nous raconte ce soir sa trajectoire, ses engagements, l'histoire de ses projets et évidemment les aspirations artistiques et sociales qui l'animent. Alors, on écoute Marie-Hélène Massy-Aimon. Marie-Hélène Massy-Aimon, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. Bonjour Gaëtan, merci. Ça me fait grand plaisir d'être avec toi. Marie-Hélène, je commence notre entretien un peu à la manière que je le fais d'habitude et je voulais d'entrée de jeu savoir comment la musique s'amène chez toi pour en faire finalement un métier. Oui. C'était un accès, j'ai eu un accès à la musique jeune par... C'est rentré par ma famille. J'ai une cousine qui jouait du piano. Je suis enfant unique dans une immense famille. Fait que je suis la dernière j'ai 13 oncles et tantes, puis bon, là-dedans, imagine le nombre de cousins et cousines, tout ça. Puis ma cousine la plus proche jouait du piano. Je viens pas d'une famille de musiciens, mais c'est des gens qui chantaient, puis des gens pour qui la musique faisait partie. Je viens d'une vieille famille aussi, fait que avec des vieilles chansons puis des vieux réflexes face à la musique. La musique dans le quotidien, la musique dans les gestes, là, faire des corvées en chantant, ça a fait partie de mon éducation aussi, ça. Et puis, fait que voilà, j'ai commencé très jeune à jouer. J'ai eu la chance d'être dans des programmes enfants de musique à l'école publique. Puis plus tard, j'ai commencé le violoncelle à 16 ans, 16-17 ans. Puis j'ai été en voyage pendant un bout de temps en Europe. Puis à ce moment-là, j'étais partie seule. Là, ces types de voyages de la fin de l'adolescence, là, pendant c'est ça, comme je dis, une couple de mois jusqu'en Turquie, le sud de l'Europe aussi. Puis il m'est apparu, je me tenais avec des artisans là-bas, puis je faisais déjà du travail d'artisanat par les bijoux. Je faisais du verre à cette époque-là, des billes, des petites choses en verre. Puis j'ai commencé un peu instinctivement à faire la manche en chantant. Puis c'était vraiment un désir que j'avais de me mettre dans le monde à travers la musique, qui avait toujours fait partie de ma vie, mais là, ça s'est comme apparu de manière assez évidente. Puis quand je suis revenue au Québec... ce printemps-là, ben, j'ai loué un violoncelle, puis j'ai commencé à m'accompagner en chantant, en faisant la manche. Beaucoup à Montréal, à Québec. Puis fait qu'à partir de 19 ans, c'était comme clair que c'était ça ma vie, puis que j'allais m'organiser pour faire ça. Dis-moi, Marie-Hélène, le violoncelle, est-ce qu'il est apparu un peu par hasard ou encore il y avait comme une affinité avec cet instrument en particulier? Oui, bien, j'en ai joué pour la première fois vers 16-17 ans, puis 15-16 ans peut-être. Puis c'est la première rencontre, le moment 1 avec l'instrument qui était déterminant pour moi. Les vibrations que ça amenait, ça a été assez fort pour me convaincre que cet instrument-là était un instrument que j'aimais. J'ai joué du trombone longtemps, tout mon secondaire. Puis c'est bizarre de parler d'aussi loin parce que c'est un peu anodin, mais en même temps, après coup, tu dis, ben non, tout ça, ça fait partie de ce qui m'a formé. Moi, je suis autodidacte, je suis pas allée au conservatoire, j'ai pas fait d'études universitaires soutenues. Et au violoncelle non plus. J'ai eu une prof pendant quelques années, mais vraiment, tu sais, je veux dire, un peu comme dilettante. Et le violoncelle s'est imposé comme un instrument d'accompagnement pour moi. Et quel compagnon extraordinaire, tu sais. Puis je parle du trombone parce que le trombone et le violoncelle, mine de rien, pour moi, sont très reliés. C'est deux instruments fretless qui, dans l'orchestre, ont à peu près la même position. Donc, je me suis retrouvée familièrement aussi avec le violoncelle quand j'étais dans des ensembles, tu sais. Puis voilà, donc, et j'ai retrouvé le trombone récemment. Là, je vais avoir du trombone dans mes prochains projets musicaux. Ouais. C'est très intéressant, cette idée que tu passes là, dans ton propos de compagnonnage, d'avoir un instrument comme compagnon, c'est intéressant. Et puis, ça, je pense que ça fait un peu partie de ton univers de création que cette idée du compagnonnage. Écoute, on va se mettre un peu dans le ton, faire entendre, écouter tout de suite une première pièce là, qui est un peu à l'image de ton travail. Puis ça apparaît très tôt. Une pièce, une création de 2011, c'est tiré d'un album qui s'intitule « Qui vive » et j'ai retenu une pièce qui s'appelle « Hey » que je trouve extrêmement, extrêmement évocatrice et puis à l'image du personnage Marie-Hélène. Alors, on écoute ça. Ooh. loin, un gun à plomb. C'est une game. Qu'est-ce que c'est? Marie-Hélène, on vient d'entendre ce titre « Hey » de l'album « Qui vive ». Dès le départ, on sent que ta démarche est, en tout cas, engagée puis engageante. Et comment se produit le moment d'éveil au rapport de force là, qui gouverne à la fois ton identité, parce que c'est ce qu'on sent dans ces pièces, ces premières pièces, et ensuite les rapports de force qui gouvernent le monde. Comment ça surgit dans ton univers comme élément de réflexion puis d'action par la suite? Bien, au niveau de l'identité, je pense que juste le fait... Mais tu sais... Je veux dire, grandir en Abitibi, c'est quand même être sujet à être confronté à une série d'incongruités, là, tu sais, là. T'as un territoire d'extractivisme puis de région ressources, fait que dès le départ, il y a bien des affaires qui n'ont aucun bon sens. Il y a certaines choses pour lesquelles on a des noms maintenant, la solastalgie, par exemple, le fait de... être en deuil d'un territoire que tu connaissais puis qui est changé irrémédiablement. Mais ça, enfant, c'est des choses qu'on porte puis c'est des choses qu'on ressent parce que on est dans des lieux, dans des paysages extraordinaires, mais dans des paysages qui sont constamment repris par l'industrie forestière, mettons, en premier. Je partage la polyvalente avec les jeunes Anishinaabeg de la communauté de Pikogan qui sont mes voisins avec qui j'ai aucun contact. Ou presque, dans les années 90, puis où on vit dans une société raciste, il y a beaucoup de choses qui font partie de notre évolution quand on est dans un milieu comme celui-là. Fait que je sais pas si ça... Je suis pas sûre que ça se déclenche autrement que pour moi, tu sais, je veux dire, j'ai grandi à la campagne, j'aimais la nature, j'étais beaucoup dans la nature, puis... Dans les années 90, il y avait déjà aussi tous ces mouvements d'altermondialisation qui se répercutaient d'une certaine façon dans nos mondes quand j'étais adolescente et tout ça. Fait que je sais pas à quel point, pour moi, il y a un éveil ou il y a juste le fait qu'il y a une relation à la réalité puis aux perceptions qui se forgent à travers ça, selon moi, je pense. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que tu soulignes là, ce lien intime très profond qu'on retrouve tout le long de ton travail avec la nature. Et puis, dans ce contexte-là, on va écouter une belle création. Ça s'intitule « Corbeau ». Et puis, c'est tiré de ton album « La cendre et le miel ». C'est une création réalisée à partir de captations, de phonographies et de chansons que j'appelle de chansons intimes. Alors, on va écouter ça ensemble. La peau souple de ton cuir, son odeur de fumée, une voix qui fait frémir comme un lac la risée. J'avais un air dur à cuire, c'était pour t'impressionner. On a éclaté de rire, puis on s'est poloché. JJ Kale en sourdine, je t'ai invité à rester. Tu m'as dit sur la glace fine, vaut mieux savoir danser. Je croise un corbeau, il me dit « As-tu du feu ?» On se toise pour un peu, on danse pour un temps. La mort est pour qui veut un banquet de chair, un cadavre d'amoureux, un samedi bord ouvert. On a mis tout notre sang à tout faire en même temps. Le jour tu l'allumais, la nuit je la brûlais. La valse sur la glace, rythmée par notre urgence d'agir en laissant trace de dons et de patience. De nos mains minérales, brunies d'été de feu, des mains qui serrent le métal, caressent le bois noueux. Croasse un corbeau au-dessus du feu. Je le fixe dans les yeux, il me caresse en passant. La mort est pour qui veut un banquet de chair, une carcasse d'homme heureux, un samedi port ouvert. Un dimanche de printemps, les lacs calés, y a filé dans le courant quand la glace a cassé. Secoué comme un chien, j'ai hurlé pour seule chance. C'est pas vrai que dans les mains, il me reste juste le néant. Il me reste toute cette vie et j'en ferai un jardin noir et roux comme la suie ou le corbeau malin. Mon homme, mon corbeau, même si t'es mort longtemps, j'allume encore le feu quand j'ai frette en me levant. La mort est pour qui veut un banquet de chair, le corps d'un malheureux, un samedi bord ouvert. Avec toi, je comprends que les corbeaux soient heureux. En dansant, j'apprends à vivre sans nous deux. Avec toi, je comprends que les corbeaux soient heureux. En dansant, j'apprends. Marie-Hélène, bon, à l'écoute de tes projets, on réalise, tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, que tu es très attachée à la tradition chansonnière et puis la chanson qui est aussi très, très enracinée, très engagée. Et tu disais aussi tantôt qu'il y a des choses qui ont évolué. Est-ce qu'on peut dire que tu es passée là, avec le temps de préoccupations plus personnelles, intimes, bon, je pense au féminin, entre autres, à des préoccupations plus globales, puis sociales, notamment, là, maintenant. Est-ce qu'il y a eu ce cheminement ou si ça s'est fait parallèlement? Je pense que ça se fait parallèlement selon les projets, étonnamment, puisque là, tu vois, je reviens dans ce qui s'en vient avec Distrain, dont on aura la chance de parler. Je tente vraiment de lier l'intime, puis le plus ouvert ou le plus politique, dans le sens de c'est une pensée féministe de dire que l'intime est politique, là. Mais je veux dire le collectif avec l'intime, disons. Je pense que c'est ça. C'est souvent des allers-retours selon les projets aussi ou dans des projets actuellement. Je viens de travailler sur une création, une co-création avec trois autres créatrices dans lesquelles trois autres femmes qui sont issues du monde du théâtre. Puis on a travaillé à partir du roman de Virginia Woolf, The Waves, les vagues. Et c'est une œuvre qui est basée sur une réflexion sur l'amitié et sur la perte de l'amitié. Donc là, on est dans quelque chose qui est dans le relationnel. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est le relationnel, que ce soit avec les humains ou les non-humains, que ce soit avec... Peut-être un peu cliché de dire ça, là, mais ces points de tension-là qui m'intéressent. La cendre et le miel, c'est un album qui est porté sur le deuil. Donc, nécessairement, c'est une histoire... c'est un album qui relève de cette intimité-là. Oui, j'essaie... présentement d'entrer avec qui je suis dans les histoires que je raconte qui peut-être sont des histoires qui racontent, j'espère, le monde dans lequel je vis. T'sais. On sent d'ailleurs, on sent tout le temps dans ton propos quelque chose qui t'appartient, bon, qui est un peu autobiographique ou en tout cas qui est vraiment lié à ton histoire perso. Et tu as parlé de ton album « La cendre et le miel ». Comme tu dis, album du deuil, mais très bel album. Et on va écouter un autre extrait de cet album qui mixe à la fois le privé et puis le public, je dirais. C'est une pièce qui s'intitule « Fly in, fly out ». Très belle création. On écoute ça. Des lèvres qui laissent sur une hanche aux profondeurs du Saint-Laurent en Thunder Bay puis Bonne Espérance une langue qui pisse sur un sein blanc. L'eau et la suie perlent sur nos peaux une nuit d'amour sur un bateau hasard au cœur de l'Amérique. La mer, des fois, fait tout ce qu'il faut. On joue le mythe et ses fondements, la grosse ouvrage, puis ben de l'argent. La frontière, nous la repousserons à coups de rein et d'illusion. Your name is Miel. You're tall, you're strong. Your name is Miel. Your tongue is Bon, Marie-Hélène, tu l'as abordé tout à l'heure. La nature, le territoire, bon, la protection de l'habitat sont des thèmes, des univers là, qui te sont chers. Bon, ces préoccupations-là, est-ce qu'elles sont, d'après toi, un phénomène de génération ou bien le fait d'être né quelque part, comme disait Maxime Le Forestier, là, on est un peu à l'image de sa place. Si c'est un phénomène de génération pour toi, dans ses préoccupations à la fois environnementales et de société à certains égards? Ben, je suis dans un milieu ici où il y a tellement de gens qui se dédient puis qui se dévouent à protéger le peu ou le beaucoup qu'ils ont en termes de beauté autour d'eux puis de santé pour les leurs, tu sais. On l'a dit tantôt, là, je vis à Rouyn-Noranda, puis je suis quand même revenue en Abitibi, ça fait plus de 15 ans, là. Non, moi, je suis entourée de gens qui sont, de par leur métier, de par leurs implications, tout à fait concernés, puis tout à fait dans une démarche de tisser des liens entre les peuples qui habitent l'Abitibi, puis entre les enjeux macro du, comme je disais tantôt, de l'extractivisme puis du gros capitalisme. Tu sais, on est sur un front pionnier ici, là. C'est ça, ça demeure. Fait que, de génération, sans doute, mais je sens que je suis portée, puis je suis entourée, puis surtout, il y a une génération derrière moi aussi, sinon deux, qui ont milité, qui se sont engagés. Fait que je vis dans un monde comme celui-là, tu sais. Après ça, je te parle ici de gens qui m'inspirent. Je te parle pas forcément d'artistes, hein. Des avocats, des forestiers, forestières, des travailleurs communautaires, travailleuses, là. Je pourrais féminiser tout ça. Je me sens dans une communauté, tu sais. Je me sens vraiment pas isolée présentement. Je pense m'être sentie isolée beaucoup à une certaine période en revenant dans une région comme celle-ci, en revenant ici. Puis à un moment donné, ben c'est des cycles, hein? Des régions, des petites régions comme la nôtre, où tu sais, je pense à la Côte-Nord, peut-être que des artistes de la Côte-Nord ou du Saguenay ou du Bas-Saint-Laurent pourraient le dire de la même façon, Avoir ou de la Gaspésie, c'est des cycles. L'effervescence va par des cycles très courts, parce qu'elle repose sur les épaules de quelques individus. C'est assez... Tu sais, tu peux relier l'effervescence culturelle ou collective d'une ville comme Rouyn à des lieux aussi. Puis ces lieux-là, ben, on peut les nommer, il doit y en avoir quatre. T'sais. L'écart, le cabaret, l'abstracto, puis désormais, on a une librairie indépendante, l'Ivresse. T'sais, voilà, la vie culturelle communautaire, j'exagère un peu, mais la vie culturelle est là, tu sais. Fait que si t'es pas là, il y en a pas, mais si t'es là, il y en a, tu sais. Je trouve que c'est la même chose pour le militantisme ou l'engagement des enjeux environnementaux. Un milieu humide en arrière, une tourbière, avec des épinettes noires qui peinent, je pense, qui peinent à se régénérer. Hey, c'est un esti de coupe, ça, là. C'est comme si les arbres qu'ils avaient laissés de chaque côté, hey, c'est pas une bande, là. C'est un rideau de douche d'arbres, man. Tu vois à travers pareil. Je sais pas comment rêver. Je sais pas comment rêver un autre monde. Je sais pas comment rêver un autre paysage. Non, mais pour vrai, là, pour vrai, vrai, je sais pas comment rêver. Je sais pas comment rêver le monde autrement parce que j'ai l'impression que les gens... Mais j'ai de la misère à rêver. J'ai de la misère à rêver parce que j'ai de la misère à rêver les gens. Je ne sais pas comment rêver parce que je ne sais pas comment me rêver. Ma capacité à être dure est tellement forte, là, tellement tête. Je le sais comment être méchante. Je le sais comment être compétitive, puis je le sais comment être bonne. Mais je le sais aussi comment être ignorante puis paresseuse. Puis je le sais comment me détacher non seulement de mon propre corps pour pas sentir la douleur, mais je sais aussi comment me détacher de la souffrance des autres pour pas me sentir concernée. Pour vrai, moi, la dureté, ça m'avale bien raide. Ça me ronge. Ça me ronge un pas devant l'autre. Je pense que c'est pour ça que je marche. Toi, tu rêves-tu? Toi, t'y arrives-tu à rêver? Rêver, là, je veux dire, pas juste rêver pour toi-même, là, pas pour un anane, là, ou des vacances, je sais pas, là, prix, bonus, là. Mais rêver pour tout ce qui pulse, ce qui bat, ce qui bataille, ce qui coule, ce qui rit, respire, pour ce qui vit, là. Comment on fait pour rêver? Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. J'accueille ce soir Marie-Hélène Massy-Aymon, violoncelliste, conteuse et artiste sonore, en dialogue depuis plusieurs années avec le vaste territoire boréal de l'Abitibi-Témiscamingue. Lauréate du prix UDA au Festival en chanson de Petite-Vallée, c'est en 2013, elle fait jaillir de son violoncelle une étonnante gamme de sonorités qu'elle accompagne de chants et de récits poétiques qu'elle partage en performance avec des citoyens, des citoyennes de son pays. On poursuit ensemble l'écoute de l'entretien qu'elle m'accordait il y a quelques semaines. Endormi. Je me suis endormi puis j'ai rêvé. J'ai rêvé que le monde, c'était comme un entrepôt. Je vivais, là, mais pas juste moi, là, comme toute la population, mettons. On vivait dans un grand hangar. C'était ça, l'écosystème. Puis au dehors, ben, c'était la galaxie, là, la lumière crue du soleil, là. C'était comme une grange. C'était les mêmes tons de brun, gris, qu'à l'intérieur d'une vieille grange, mais c'était en tôle oxydée. Puis dans mon rêve, ben, je réalisais que c'était ça la terre. Pouah, c'est deep mon affaire. Bleh. C'est deep, mais en même temps, c'est tellement facile, les scénarios du pire. On est tellement mindé à ça. Marie-Hélène, ce projet, on vient d'entendre le projet à 70 km. Et dans le texte d'accompagnement, on parle d'un périple néocolonial, dense, large. C'est ce que raconte, bon, la femme troc, c'est une définition que tu amènes. Et j'aimerais que tu me parles de ce projet qui est à la fois, non pas là, un projet de sédentaire, mais un projet nomade, de transit sur le territoire. J'aimerais que tu me parles de ce projet qui a été réalisé dans le cadre d'une exposition, mais l'esprit qui t'habitait à ce moment-là. Ben donc, c'est une œuvre qui a comme fonction de relier deux villes par la route et donc en voiture. Elle s'écoute à l'aller et au retour, là, entre Amos et Val-d'Or. Elle s'écoute sur d'autres routes aussi, puis on m'a dit qu'il y avait quand même plein de liens à faire entre le paysage puis l'œuvre. Donc, c'est ça qui m'a habité, c'est de lier une œuvre sonore au paysage. Un paysage qui est en mobilité, qui est statique aussi, parce que dans la voiture, t'es statique, puis c'est comme si c'était le paysage qui roule. Puis ça a été joint à une lecture à cette époque-là qui a été vraiment clé pour la création de cette œuvre-là. C'est Généalogie du déracinement de Dali Giroux, qui est une œuvre sur la mobilité. Dans cette pièce de 70 km, donc 50-quelques minutes, vous entendez un avatar. Je me suis créé un avatar qui est une pousseuse, qui est assise à notre droite, puis qui, à sa manière, exprime et raconte le paysage qu'elle voit, puis ce que ça lui fait, les réflexions que ça évoque pour elle. Puis dans ce parcours, il y a la présence d'un piano de campagne qui est dans des dizaines de ces maisons abandonnées qu'elle voit sur la route. Puis ce piano-là, ben, prend une place prépondérante dans l'œuvre sonore. Et voilà. Marie-Hélène, tu l'as un peu évoqué, là, mais j'aimerais plus largement que tu me parles de tes sources d'inspiration. La littérature est très présente. On a parlé de Virginia Woolf tout à l'heure et puis de cet autre projet d'Ali Giroux, Généalogie du déracinement. C'est ça, donc, qu'est-ce qui t'inspire, là, bon, en général, à la fois dans le monde des arts puis dans ta vie quotidienne, qui fait qu'un projet, tout à coup, émerge? Mm-hmm. Ben, si je parle des inspirations artistiques, je pense qu'une personne clé, puis une œuvre clé, c'est le travail de Meredith Monk, qui finalement est assez loin de ce que je fais en termes de résultats, mais c'est une artiste d'abord avec qui j'ai eu la chance de faire des ateliers, puis que j'ai pu rencontrer à une certaine époque, puis qui a été marquante. Et elle et son ensemble vocal, dans leur approche de l'art, je dirais que c'est vraiment une grande, grande source d'inspiration puis de motivation aussi. Je suis retournée l'année dernière faire des ateliers au loft de Meredith Monk. Puis d'avoir en avant de moi des personnes comme ça qui sont dans la quatre-vingtaine, qui ont des carrières aussi intéressantes, des œuvres aussi pertinentes, aussi uniques. C'est vraiment super, super important pour moi. Donc, à un certain moment, dans les, je dirais, les 10 dernières années, pas mal, là, une chose qui est apparue super importante pour moi, c'est les sons de l'environnement dans lequel j'étais. Fait que ça, ça jouait le quotidien, puis mes influences artistiques par la suite aussi, là. La rencontre avec le travail de Murray Schafer, de Raymond Murray Schafer, par exemple. Je dirais surtout son travail dans les champs d'or de captation du paysage sonore, puis dans toute cette démarche-là, son travail de compositeur, je suis moins familière avec. Mais toute cette vague-là, de la première vague des arts sonores canadiennes, là, Hildegard Westerkamp, Barry Truax, ces gens-là qui ont amené le son comme étant une manière de rentrer dans le monde, pour moi, ça a été super important. Puis ça m'a donné des clés pour aussi ancrer ma démarche d'artiste du son puis de la musique dans des lieux qui étaient complètement hors studio. Je vis loin des studios. Je n'ai pas... Tantôt, je parlais d'isolement. Tu sais, ça a été un peu cette réflexion-là autour de 2013, 14, 15, de me dire comment je fais du sens avec le fait que je suis une musicienne qui n'a pas un groupe de musiciens stimulants autour d'elle au quotidien. J'ai évidemment des musiciens stimulants autour de moi, mais qui vivent à Montréal, qui à l'époque vivaient. Comment je rends mienne cette réalité-là pour en faire du sens? C'était même pas dans l'idée de pour que ça transparaisse, mais pour que ça ait un sens. Fait que le sens, c'est devenu de capter ce que je fais avec moi-même, avec des enregistreuses, de capter l'univers dans lequel je vis. Bien, l'univers dans lequel je vis, on a parlé de la nature, mais dans le fond, en enregistrant les sons de mon entourage, même en allant dans le bois, j'ai réalisé qu'on pouvait pas être on pouvait pas être dans le silence plus que 6-7 minutes parce qu'il y a tout le temps un dirou à 4-5 km d'où tu es, au milieu du bois, ou même à 15 km d'où tu es, où tu vas entendre le son du dirou passer. C'est ça l'Abitibi. C'est là où je vis. Puis, fait que la photo ou l'image, on peut focusser par l'image sur un point qui peut être joli, qui peut être esthétiquement agréable ou apaisant, mais par le son, on se rend compte que c'est pas possible. Fait que ça, c'est intéressant. Dis-moi, Marie-Hélène, est-ce que pour toi, la captation sur le terrain, le field recording, les phonographies, est-ce que c'est quasiment une arme politique pour toi? Ah, tellement. Tellement. C'est une manière d'être, d'être ici. C'est une façon d'aborder le monde. Puis, c'est une manière d'entendre au lieu de voir. Puis c'est ça que j'avais... C'est ça qui m'intéresse beaucoup, d'entendre le monde. Puis d'entendre le monde, ça veut aussi dire les gens, là. Mais je mets ce terme-là parce que pour moi, c'est ça que j'aime, c'est d'entendre le monde. Marie-Hélène, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, le projet Distrain. Bon, une marche concert, déjà là, c'est tout un programme. C'est très fécond comme pour l'imaginaire. C'est un projet que tu as réalisé récemment, en tout cas cet automne, je pense qu'il y avait déjà une présentation. Comment ce projet-là est-il apparu? Parce qu'il est globalisant, il est très participatif, très engageant à la fois pour l'artiste, les artistes et puis la communauté. Et j'aimerais que tu nous parles de ce projet vraiment ambitieux, très, très, très costaud, je vais dire ça comme ça, sur le plan artistique là, et social. Oui, bien, This Train, c'est venu de cette... en fait, je dirais que c'est un parapluie pour... Là, il y a une première itération qui a été faite à Témiscamingue, fait qu'on va s'attarder sur celle-là, mais pour moi, c'est un projet... C'est le début d'un... C'est l'amorce de mon cycle de création actuel là, qui s'est faite dans la dernière année où je m'intéresse à ceux qui font les régions ressources aussi de leur petite main. Je m'intéresse à... J'ai comme besoin de parler avec mes voisins. J'ai commencé à Témiscamingue, donc qui est une ville à l'extrême sud de la région de l'Abitibi, là, à la frontière avec l'Ontario. Une ville qui, dans les années 70, a été témoin et a été un des seuls exemples de co-gestion d'une usine entre des employés, des propriétaires et le gouvernement. Et cette histoire-là... Elle fait partie des récits de la ville, mais elle fait très peu partie de la mémoire collective à l'extérieur de Témiscamingue. C'est vraiment fascinant. Il y a un film de Martin Duckworth qui a été fait à l'ONF en 72-73, qui est sorti en 75, sur cette situation-là. Un film magnifique, vraiment, je le recommande. Puis, ben, je suis allée à Témiscamingue parce que je voulais débuter ce projet-là où, à travers des rencontres avec des citoyens, j'allais traverser aussi ma propre parole, mon écriture, puis des nouvelles compositions. Des compositions qui sont faites avec le territoire, donc par du field recording, mais aussi par des improvisations en extérieur. Et la vie étant ce qu'elle est, je suis arrivée à Témiscamingue au moment où cette dite usine de ville mono-industrielle allait mettre à pied plus du tiers des employés. Et donc, une crise. Je suis arrivée au moment d'une crise sociale dans cette ville-là. Évidemment que ça, c'était pas prévu. Mais on a donc composé, travaillé, traversé la démarche, le travail, les jours, les semaines passées là-bas je suis en entrevue avec des gens qui me parlent de leur relation au monde du travail. C'est à partir de ça que je tenais à rencontrer des gens. Puis voilà, il y a une œuvre qui s'est dépliée, déployée, qui s'est créée avec tout ça. Puis ça a donné lieu à une marche-concert. Une marche-concert, c'est une espèce de format déambulatoire que j'aime creuser en ce moment où on traverse à la fois les principes de la marche d'écoute, mais aussi ceux du concert, c'est-à-dire que je propose des interventions artistiques, là, chantées ou sonores pendant la déambulation. Puis c'est des moments où ils s'activent à travers le public marcheur, des relations interpersonnelles aussi, des relations avec le paysage, avec les propositions esthétiques là, que je fais en live. Il s'amorce une forme de petit tremblement, je l'espère, qui permet une prise de parole aussi de la part des gens, soit à travers la marche elle-même, soit à la fin. À Témiscamingue, c'était à la fin. Il y a des gens ça a activé chez eux quelque chose, ça a déclenché des choses, puis les gens se sont mis à partager des impressions, des pensées sur leur propre réalité, là, non pas sur l'œuvre, vraiment pas, mais sur la réalité que j'évoque dans l'œuvre. Fait que, ouais. Je sais pas si je te le décris d'une bonne manière, mais... Tout à fait, tout à fait. Dis-moi, Marie-Hélène, le choix de ton titre, le train, là, qui est... évidemment, il y a beaucoup de références dans le monde de l'art sonore vis-à-vis cette machine, mais pour toi, c'est important, cette idée de ce train-là, là, à la fois qui fait référence au train de vie, puis à ce véhicule qui nous transporte et nous écrase aussi. Ouais. Ben oui, le train, c'est le This Train de Rosetta Tharpe. Hein? C'est une pièce, un standard du gospel qui est devenu... en fait, une pièce gospel qui est devenue un standard de la musique blues puis country, qui a été popularisée par Rosetta Tharpe. Puis dans This Train, on nous dit que c'est un train béni dans lequel il n'y a pas de tricheur, dans lequel personne ne chique du tabac, puis dans lequel tout le monde a sa place. Puis le train, moi, ben, il passe à 150 mètres de chez nous sur le viaduc de l'avenue Murdoch, puis il apporte des déchets industriels ultra pollués, ultra toxiques. Nous autres, on a la marde qui nous tombe sur la tête, puis après ça, ce qu'il y a de précieux comme métal est juste réaffrété puis envoyé dans une autre usine au sud vers Montréal. Et cette chaîne-là, pour nous, elle est, c'est aussi la chaîne qui nous tue. Là. C'est pas, y a pas d'autre chose à... Je sais pas comment le dire autrement. Quand on est à Noranda en ce moment avec les émissions polluantes extrêmes qu'on continue à subir, tu sais, fait que le train en Abitibi, c'est pas une vieille histoire. C'est ça qui est. On est des lieux comme ceux-ci sont ancrés dans un passé, sont sclérosés dans un passé, mais le passé est au présent, fait qu'on vit avec, tu sais. Les collègues, les camarades des communautés autochtones ont une relation au train qui est la leur. Le territoire a une relation au train qui est la sienne. Une ville comme Témiscamingue a une relation au train qui est la sienne puisque ça a été enclavé pendant des décennies puis uniquement accessible par le train. Mais c'est toujours le train de marchandises, le train canadien. Donc, c'est jamais le train des humains. Donc, oui. Mais puis c'est ça, ça s'inscrit effectivement dans une... On a parlé, pour moi, de l'importance de la tradition aussi chansonnière. Bien, le train, en termes de symbole de la musique nord-américaine, c'est celui qu'on connaît. Puis après ça, ensuite, du jazz. Puis après ça, effectivement, des arts sonores. Donc, c'est une manière de rentrer là-dedans comme ça, là. Marie-Hélène, on va écouter tout de même un extrait de ce beau projet. Ah oui! Et j'ai retenu une pièce qui s'appelle « Odeur et bruit ». C'est tiré de la compilation là, des pièces. Et on y retrouve là encore des paroles de gens que tu as croisés sur cette route. Alors, on écoute ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était vraiment physique. Vieux, la machinerie il venait de 1920. C'était incroyable de le voir, les machines qu'on avait pour travailler avec, mais ça roulait vraiment bien. Mais on avait besoin de travailler vraiment fort physiquement, mais on avait du fun. On riait, puis tu partais de là, tu étais brûlé, mais tu étais content. Moi, j'ai vraiment aimé ma vie. Là. Comme ma job d'opérateur de machinerie lourde, quand que on pousse la chip pour fournir l'usine, il n'y a rien qui sent mieux que la fraîcheur du bois. Là. Puis tu sais dans quelle espèce tu pousses. Si tu es dans le tremble, ben là, tu sens le vinaigre un petit peu. Là. Ça a une odeur différente. Tu le sais, tu t'habitues. Puis en toute honnêteté, ça fait quand même 7 ans que je suis pas sur ma machine. Quand que je passe à côté du tas de copeaux, j'aime la senteur. Ça fait partie d'être en forêt. Sur l'autre côté, quand même, tu sais, j'ai vieilli ici à Témiscamingue quand ils brûlaient du charbon, comme exemple, pour faire la vapeur pour l'énergie de l'usine. Mais on avait une suie puis, qui tombait. Tu sais, ma mère accrochait pas notre linge dehors pour le faire sécher là, tu sais, à cause de la suie. Mais tu pouvais voir comment fois qu'il avait neigé durant l'hiver parce que tu coupais le banc de neige puis il y avait les lignes dessus, pareil, comme les compter l'âge d'un arbre quasiment. Mais tu sais, c'était polluant, c'est pas une bonne mémoire, mais c'est une mémoire que j'ai en grandissant que c'était là. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. When you first walk in, I worked at Temboards. We're making paperboard, so like your book covers. So you know, it almost has the smell, depending on what grade we're making, of when you open a book. And I'm a reader, so to me, I kind of enjoy that first smell. And as you go downstairs, it smells more like moisture because when we're making our pulp, it's very loud. But it's a very special place. I loved it. Puis quand moi je me rappelle, on passait le moulin pendant que j'étais petite, puis j'ai dit Dad, is that mill gonna kill us one day? Tu peux voir les gaz. des cheminées, puis on se dit, je m'en rappelle, ma mère m'a peur, like, « This is gonna give us cancer one day. » Tu sais, puis j'étais jeune. Puis là, quand elle m'a dit, c'est comme, j'y pense moins. You don't hear. No. And the smell, that too, you get used to. We came from Latouk. And Latouk is the worst smelling place. And after a while, you don't realize it smells. Like it's, your nerve ends die. So the smell never really bothered me. It was kind of, if it was too strong, you stay in the house. It wasn't anything that really bothered me. Well, our part of it, first of all, living in this house, at nighttime when the steam plant opens and you hear that psh of steam, is very annoying. But after a while, you get used to it. You don't hear it. Oui, beaucoup de bruit. Écoute, les avancements, y a-tu moins de bruit aujourd'hui qu'il y en avait 30 ans passés, c'est certain. T'sais, les avancements quand même, puis les protections d'oreilles, c'est certain. Mais si tu regardes la ville de Témiscamingue, puis tu regardes ces bâtis dans la côte, le monde pouvait te dire, tu sais, les problèmes étaient réglés, mais il pouvait te dire quand que l'usine avait des problèmes, un problème technique, parce que la vapeur, il l'envoyait de l'atmosphère. Puis ça faisait un bruit de sifflet. So, tout le monde dans la communauté le savait que oh, ça va pas bien à l'usine en ce moment, tu sais, il y a quelque chose. C'est toutes des choses qu'on a grandi avec. Tu le savais quand il manquait de chips, parce que tu entendais le blower ronronner comme il était vide. C'est toutes des choses. Moi, j'ai grandi à 5 heures. On savait que c'était le temps d'aller souper parce que le sifflet sonnait de l'usine, un sifflet à steam. T'sais. Tu t'attendais avec ça. Ce sifflet-là était utilisé pour les feux aussi. T'sais, 3 coups, c'était un feu à l'usine. 3 petits coups, c'était un feu en ville. T'sais, des choses comme ça. Puis ça, c'est, tu parles à n'importe qui de natif de la ville, va savoir exactement de quoi je parle. Ça faisait partie de notre tous les jours. C'est toutes les mémoires, les sensations de l'usine. Marie-Hélène, écoute, on pourrait évidemment échanger longuement. L'émission tire à sa fin. Et j'aimerais connaître là, tes projets à venir sur lesquels tu travailles là, actuellement. Qu'est-ce qui s'amène pour toi dans les prochains mois, prochaines semaines, sur le plan de la création, puis sur le plan de la recherche aussi, ou en tout cas de l'exploration. Je t'écoute. Mm. Il y a une chose extraordinaire qui m'est arrivée dans les dernières années, c'est la création du spectacle pour le tout jeune public, 18 mois et plus. Gezagen Malenki, Je te promets une forêt. Je sais que tu avais déjà partagé l'album avec les auditeurs à la croche-oreille. Puis donc, Gezagen, on va célébrer la 100e du spectacle à la fin du mois de mars au Théâtre Outremont. Puis ensuite, mi-juin, on va être en tournée pour il me semble, c'est une 40-50 dates encore entre la Saskatchewan puis l'Ontario. Donc ça, c'est un immense cadeau qui existe maintenant depuis quelques années. Là. C'est ça, on arrive à la 150e, à la 100e, puis on va taper, je pense, la 150e dans l'année. Et ça, c'est un projet que tu réalises en collaboration, je pense. Oui, absolument. Donc, moi, je suis compositrice avec Émilie-Marie Séguin. C'est une mise en scène de Milena Bouziac. Et on a créé le spectacle ensemble, toutes les trois. C'est un spectacle sans parole dont le fondement est nos improvisations de musique d'expérimentation. On a le public avec nous sur scène. On est soit avec 70 enfants et on fait un trajet... un trajet sonore à travers l'exploration de nos instruments, puis la présence de l'eau. Et c'est Emmanuel Cogné qui est régisseur et aussi chanteur avec nous sur scène. Donc, on est une toute petite équipe et ouais, c'est une très belle aventure, un très beau cadeau de la pandémie, ça, étrangement. Ouais. Ouais, puis donc, fait qu'il va se passer ça pour ce qui est de la diffusion. Puis, je travaille à la recherche encore à travers Des Strange. Je suis en train de créer des épisodes sous forme de lettres sonores que j'adresse à des gens avec qui j'aurais aimé être à Témiscamingue. Et justement, on évoquait Dali Giroux tout à l'heure. Les livres de Dali Giroux sont des compagnons pour moi. Et la première de ces lettres-là, de ces épisodes-là, est une lettre à Dali. Donc, je suis absolument là-dedans. Puis je cherche à créer ici, dans mon quartier, là, des rendez-vous bi-hebdomadaires avec du public, avec ma communauté, dans le contexte de Distrain, en proposant des soirées d'improvisation et de lecture qui vont dans le grand chapeau des itérations de Distrain, qui vont me permettre d'être toujours en contact avec du public, parce que c'est une façon que j'aime dans le travail, d'être en relation constante, sans trop attendre que les processus soient très avancés pour être en relation avec du public. Ça fait partie de ma manière de travailler. Oui, ouais, tout à fait. Puis du public qu'on retrouve dans des contextes qui sont souvent hors les lieux traditionnels, en forêt, sur la route, et ce compagnonnage dont on parlait en début d'émission, il est humain, artistique. Marie-Hélène Massé-Aimon, grand merci de m'avoir accordé cet entretien ce matin. C'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. Ba da ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba da ba. Voilà, ainsi s'achève l'émission de ce soir en compagnie de l'artiste Marie-Hélène Massé-Aimon. Grand merci à Marie-Hélène ainsi qu'aux nombreux artistes, musiciennes, musiciens, collaborateurs, collaboratrices qui l'accompagnent dans ses aventures. Tout ce monde-là de nous avoir permis l'écoute de leur création. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions en écoute ou en réécoute. C'est à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Ba-da-ba-bum, ba-bum.